Onzième chapitre, projet rompu. L'atelier occupé par Bénédicte Fougeret était situé au rez-de-chaussée de la maison numéro 11 du boulevard de Clichy, qui a l'honneur de compter au nombre de ses locataires Jacques, le peintre de la race Galine, et Diaz, le lumineux coloriste. Cet atelier, assez vaste, meublé avec un goût sévère, répondait complètement au caractère de celui qui y passait sa vie. Les tentures d'un rouge sombre faisaient valoir la transparence des marbres, les tons dorés du bronze, la platine sobre et douce de l'argent bruni. Sur les crédences de chêne sculptées par des imagiers naïfs, s'étalaient des vases d'un relief vigoureux. Une plaque de lave, peinte par Joseph de Vert, ressemblait à une des merveilles de Luca della Robbia, dont il perpétue les traditions. Deux tableaux d'un coloris puissant dont le temps avait fondu les harmonies décoraient les panneaux du fond. Sur des socles enveloppés de draperies de velours, les œuvres de l'artiste, bien placées dans leur jour, se révélaient dans toute leur pureté. On eût vainement cherché dans ce sanctuaire de l'art les sujets préférés de Pradier, les nymphes de Clodion. Les œuvres de cette école qui, faute d'idéal, s'est faite réaliste et dont la déchéance s'est masquée d'un mot inconnu des anciens. Être réaliste, ce n'est pas prendre dans l'œuvre de Dieu ce qu'elle nous donne pour y ajouter l'inspiration du génie, c'est choisir le bas de préférence au beau, s'attacher à traduire l'ignoble, faire de l'expression du laid le dernier mot de cette dégénérescence. Être réaliste, ce n'est plus reproduire les figures que Michel-Ange sculptait sur les tombes et auxquelles les papes donnaient l'hospitalité à Saint-Pierre de Rome. La nuit et le jour du maître ne rendaient pas suffisamment au gré des réalistes la forme humaine relevée par sa force et drapée dans sa chasteté. Ceux de nos jours ont mis dans l'art le dévergondage des idées, l'allure libre du livre. On travaille pour les boudoirs, on fait petit, vulgaire et malsain. Mais cet art apporte et s'escompte. Il donne à la fois à ceux qui le mettent en œuvre de l'argent et une facile renommée. Il ne restera rien de ces groupes, de ces figures, de ces bas-reliefs dans l'avenir. Mais l'artiste ne demande rien aujourd'hui au-delà du présent. Il n'attend guère plus l'immortalité qu'il n'espère la vie future. Sa foi dans l'art s'est éteinte en même temps que ses croyances religieuses. Faute de trouver Dieu au ciel, il ne rencontre jamais sur son chemin la grande poésie. Quelques nobles exceptions parmi les artistes s'isolent des groupes de réalistes, les uns par amour pour l'antiquité pure, les autres mus par un mobile plus digne et plus élevé. Quand Bénédicte Fougeret cessa de faire de l'ornementation et des sujets de pendule pour son protecteur, il entra dans l'atelier d'un membre de l'Institut dont la réputation n'égale peut-être pas encore le talent sérieux. Jules Autran fut pour Bénédicte un maître austère et bon tout ensemble. Grâce à ses conseils, le jeune homme compléta son instruction. Il apprit l'histoire que tant d'artistes ignorent. Il devint archéologue et numismate et n'oublia aucune des branches de la sculpture et de l'architecture des anciens, dont les vestiges nous remplissent à la fois d'admiration pour leur génie et du sentiment de notre impuissance. Il étudia la vie des grands artistes du Moyen-Âge et de la Renaissance et en tira cette conclusion qu'avant d'être des artistes capables d'étonner le monde, ils avaient été des hommes. Bénédicte, sans avoir la prétention d'égaler un maître comme Léonard de Vinci, qui connaissait tous les arts d'une façon excellente et savait fortifier une ville avec la même habileté que produire un tableau comme la Sainte Famille de François Ier, sans espérer atteindre la puissance d'un sculpteur comme Benvenuto Cellini, qui ciselait un bijou de la même main qui tondit le Persée, il tenta d'enrichir sa mémoire du plus grand nombre de connaissances possibles, certain que toutes les sciences, tous les arts se touchent et se complètent. Bénédicte ne connut point les heures de flânerie dangereuse pendant lesquelles, sous prétexte de chercher l'inspiration, bon nombre d'artistes s'engourdissent le cerveau dans les vapeurs stupéfiantes du tabac pris sous toutes les formes et à toutes les doses. Il ne crut pas nécessaire de faire sur l'art des théories à perte de vue et de devenir un grand homme pour un cénacle de turiféraires désœuvrés. Il se cloîtra dans son atelier. Quand il sentit sa main rebelle à la traduction de sa pensée, il ne hâta point la production et se reposa dans une étude distrayante et utile. Ses amis furent choisis dans un milieu sain, honnête. Il ne voulait pas que leur conversation plus légère dérangeât l'harmonieux accord de ses travaux et de ses pensées. Si la gaieté repose du labeur, le dévergondage de l'esprit trouble sans délasser. Les amis de Bénédicte appartenaient à une école peu nombreuse de littérateurs, de journalistes, d'artistes résolus à lutter contre le torrent envahisseur des immoralités. Serrés comme un groupe de lutteurs, ils s'étaient promis appui et protection. Pourquoi, en effet, la camaraderie n'existerait-elle que pour les affiliés de l'art, qui en sont plus les bravis et les condottieri que les apôtres? Il faut le reconnaître, cependant, les individualités du camp opposé à celui de Bénédicte sont bien autrement protégées, soutenues, vantées et s'étendent d'une toute autre façon que leurs adversaires. Le peintre, le sculpteur, le littérateur sérieux, moral, chrétien, vit seul, isolé. Au lieu de s'unir, de se chercher, de se patronner mutuellement, de faire dans leur camp ce que réalisent aisément les autres, ils manquent ou d'entrain ou de fraternité. Ils ne se disent pas qu'ils arriveraient à être au moins aussi forts que les réalistes et les frondeurs s'ils se massaient en colonnes serrées. Deux sentiments puissants contribuaient à maintenir Bénédicte dans la voie qu'il s'était tracée. Ses croyances religieuses, sur lesquelles aucun vent mauvais n'avait soufflé, et sa tendresse pour Mademoiselle Pomerol. La reconnaissance que professait le jeune homme pour le négociant s'épanouissait en quelque sorte dans l'affection grave et sainte qu'il portait à la jeune fille. Il lui devait son ambition de parvenir, ses premiers succès. L'image de Sabine, pure et chaste, laissait dans l'ombre les autres femmes. Il lui vouait ce culte de respect et d'admiration que ressentirent pour Laure, pour Béatrice, le Dante et Pétrarque, et qui valut à la poésie la Divine Comédie et les Canzioni. Sans s'avouer encore le but de ses efforts, le sculpteur ne souhaita cependant jamais faire hommage de sa gloire et de sa fortune qu'à la fille de Pomerol. Il se disait bien que la riche héritière dédaignerait sans doute le pauvre enfant qui dut presque à la charité du fabricant son premier morceau de pain. Mais il se consolait aussi parfois en se rappelant que l'opulent Pomerol avait connu la pauvreté, ses crises, et considérait comme un devoir de protéger les vaillants que le combat de la vie ne trouve ni faible ni présomptueux. Le jour où le jeune homme porta chez son bienfaiteur la statuette représentant Sabine de Steinbach, il sentait que sa destinée allait être à jamais fixée. Si la jeune fille autorisée par son père acceptait cette œuvre si longuement caressée, c'est qu'elle consentait à devenir sa compagne. Bénédicte tremblait donc bien fort, et sa joie dépassa ses espérances quand M. Pomerol lui tendit les bras en l'appelant son fils. Désormais, son existence était fixée. Il était sûr de son bonheur. Avec Sabine pour femme, il était certain de ne jamais se tromper, de ne jamais faillir. Elle l'avait soutenu pendant 5 années laborieuses de sa jeunesse. Elle le fortifierait durant la période de son âge mûr. Elle avait été son espoir, sa conscience. Elle deviendrait son modèle et sa raison. Si jamais un homme goûta pleinement une joie sans mélange, ce fut Bénédicte pendant la soirée de ses fiançailles. Le bonheur était si complet, si pur, si prochain. Encore quelques jours et la jeune fille qui levait sur lui ses yeux candides serait sa femme. Encore quelques jours et sa maison s'égayerait de sa présence. Il la voyait d'avance dans le grand atelier du boulevard de Clichy, assise dans un fauteuil, le regardant travailler, louant ou critiquant tour à tour. Le soir, il l'amènerait chez Pomerol, où Sulpice les rejoindrait parfois, apportant au cercle de la famille cette grave tendresse dont son austérité paternelle n'altérait pas la grâce. Quel courage Bénédicte puiserait dans le titre, dans la dignité de chef de famille! Il n'aurait plus le droit de penser, d'agir pour lui seul. Il répondrait du bonheur de la chère enfant dont Pomerol lui confiait la destinée avec une si noble confiance et qui acceptait de lui le travail et l'affection comme une dot et une garantie suffisante. Oui, Bénédicte était bien heureux le soir du jour de ses fiançailles, et quand il s'endormit dans sa petite chambre, ses rêves lui rendirent des images à aimer et l'écho de leurs promesses. Un coup de foudre le réveilla en plein bonheur. L'assassinat de Pomerol lui causa un déchirement d'autant plus cruel que Bénédicte, n'ayant jamais connu son père, avait reporté toute sa tendresse sur le bienfaiteur dont la famille devenait la sienne. Il courut à l'hôtel du négociant, et les nouvelles qu'il y apprit redoublèrent ses regrets et ses angoisses. Ce n'était pas seulement le chef honoré d'une maison qui tombait sous la main d'un assassin et d'un voleur. Celui que l'on accusait de ce crime était le frère de celle qu'il allait appeler sa femme. Bénédicte n'ignorait aucun des égarements de Xavier, et cependant il ne le soupçonna pas une minute. Il crut aveuglément à la parole de ce malheureux, accablé par mille circonstances, pressé dans les mailles d'un filet que rien ne semblait pouvoir rompre. Il ne se contenta pas de lui donner pour avocat Léon Rameau, son meilleur ami. Il entoura Xavier de cette pitié, de cette affection dont les infortunés éprouvent la soif ardente. Il se sentait peu de sympathie et presque de l'éloignement pour le viveur émérite, le hanteur de petits théâtres et de mauvais endroits à la mode. Il n'aurait jamais consenti à en faire son compagnon. De l'heure où l'accusation d'un parricide le frappa, il vit en lui le plus malheureux des fils. Il l'adopta pour son frère. L'épreuve réalisa spontanément ce que n'eussent pas opéré 10 années de rapprochement fortuit. Il semblait d'ailleurs à Bénédicte qu'il devait à Sabine cette preuve nouvelle de tendresse, et que se dévouer pour Xavier dans ces terribles circonstances, c'était assurer sa fiancée bien mieux que par des paroles de la profondeur de son affection. On comprend quel serrement de cœur ressentit le jeune sculpteur quand Sabine refusa de le voir pendant toute la durée de l'instruction du procès de Xavier. Certes, son deuil, son inquiétude expliquaient la retraite de la jeune fille, mais Bénédicte tenait de Pomerol un titre sacré, confirmé par Sulpice. On ne pouvait le traiter en étranger dans cette maison devenue la sienne. Bénédicte accusa Sabine de froideur, de dureté. Il se dit qu'elle était loin de ressentir pour lui le profond sentiment qui le liait à elle. Mais loin de se décourager, il se promit de triompher de cette indifférence à force de dévouement. Ne pouvant rien pour Sabine, Bénédicte se consacra tout entier à Xavier. Il le vit chaque jour, raffermit son âme abattue, et s'il ne réussit pas à amollir, à toucher cette nature rebelle, il parvint du moins à lui rendre la croyance dans l'amitié. Les visites du sculpteur, celles de Léon Rameau et de Sabine, furent les seuls adoucissements du malheureux à l'horreur de sa situation. Il parlait rarement de Sulpice, et quand il le faisait, c'était avec une sorte de haine. Ne comprenant pas tout ce qu'il y avait de sublime dans la conduite de son frère, il l'accusait. Pendant la terrible séance de la cour d'assises, le sculpteur n'osa prendre place à côté de Mademoiselle Pomerol, qui se trouvait au pied du banc des accusés. Mais quand Xavier, condamné, eut jeté pour la dernière fois ce cri désolé « Et pourtant je suis innocent !» ce fut Bénédicte qui le pressa dans ses bras et le soutint, tandis que les gendarmes, émus de cette scène, accordaient à Xavier une minute de suprême consolation. Le soir, Bénédicte courut chez Léon Rameau. « Croyez-vous que Xavier signe son pourvoi en cassation ?» lui demanda-t-il. « Non, » répondit l'avocat, « il l'a formellement refusé. » Qui sait, cependant, si un autre tribunal ne se montrerait pas moins impitoyable ?« Je ne me berce point d'espérance à ce sujet, mon ami. Xavier n'aurait aucune chance de plus devant un autre jury. » Ainsi, le malheureux sera enfermé dans un sombre cachot en attendant la déportation. Xavier est dans un état de santé assez grave pour qu'il nous soit, sinon facile, du moins possible d'obtenir qu'on le garde quelque temps dans une prison de Paris. Nous agirons ensuite pour obtenir une grâce dernière. L'opinion est partagée sur son compte. Tandis que certains ne doutent pas de sa culpabilité, beaucoup de gens le considèrent comme victime d'une erreur judiciaire. La loi l'a frappé, mais elle peut fléchir dans l'application de la peine. Tandis que vous ferez ces démarches, Léon, je tenterai de voir mademoiselle Pomerol. Courage, dit Rameau d'une voix douce et presque triste. Courage, mon pauvre ami. N'est-ce pas, lui demanda Bénédicte, que vous redoutez pour moi un malheur? Mademoiselle Pomerol est un ange, dit l'avocat. Je crains qu'elle refuse de vous associer désormais à sa vie pour ne vous point imposer le fardeau de ses douleurs. Ah, fit Bénédicte, vous ne la connaissez pas. Elle n'aura pas cette cruauté à mon égard. Qui vous affirme qu'elle souffrirait moins que vous-même si elle prenait cette détermination? Votre inquiétude à ce sujet répond trop à ma propre angoisse pour que je ne veuille pas apprendre immédiatement mon sort. Adieu, Léon. Je saurai ce soir même si le coup qui frappe Xavier ne me tue pas comme lui. Le sculpteur sortit et gagna l'hôtel Pomerol. Il pouvait être 8 heures du soir. De la rue de la Chaussée-d'Antin, on ne voyait aucune fenêtre éclairée. Cet hôtel si vaste, si riche, si animé naguère, ressemblait à une maison inhabitée. Bénédicte demanda si mademoiselle Pomerol était chez elle. Sur la réponse affirmative du concierge, il monta au premier étage. Ce fut Baptiste qui vint lui ouvrir. Lorsque le jeune homme pria le valet de chambre de s'informer si sa maîtresse consentait à le recevoir, le vieux serviteur secoua la tête. « Je ne le crois pas, monsieur, dit-il. La façon d'être de mademoiselle m'effraie. Elle ne pleure pas, elle ne parle pas. Elle paraît concentrer en elle toute sa force, mais en même temps elle semble glacée. On dirait un fantôme errant dans la demeure d'un trépassé. N'importe, Baptiste, il faut que je la voie. » Le vieux serviteur s'inclina, ouvrit à Bénédicte la porte du salon et se dirigea vers l'appartement particulier de Sabine. La jeune fille, assise sur un grand fauteuil, lisait attentivement le plus beau des livres après l'Évangile. Elle cherchait dans l'imitation le courage de porter sa lourde croix. Vêtue de noir, ses cheveux massés sans art mais sans désordre, blanche comme l'ivoire et désolée comme une Pietà, Sabine était la vivante image de la douleur. En entendant prononcer le nom du sculpteur, la jeune fille se contenta d'étendre la main comme si elle lui interdisait l'entrée de son cabinet de travail. Puis, se levant subitement, avec un éclair de résolution dans les yeux, « Cela vaut peut-être mieux, » murmura-t-elle tout bas, « autant aujourd'hui que plus tard. » Puis elle ajouta en s'adressant à Baptiste, « Je rejoindrai Monsieur Fougeret dans le grand salon. » Le valet de chambre sortit. Restée seule, Sabine se dirigea lentement vers son prie-Dieu et plia les genoux. « Toi qui as souffert seul ton agonie, donne-moi la force de repousser le secours qui vient à moi. Bénédicte va me demander la part de mon fardeau. Fais, Seigneur, que je refuse cette aide fraternelle. Tu lis dans les cœurs, le mien n'a pas de secret dont je doive rougir. Il garde, doublé par la reconnaissance, par l'estime, un sentiment profond que rien n'éteindra. Je dois feindre l'indifférence pour sauver celui qui exige la moitié de ma misère et de mon déshonneur. » Et je redoute de me trahir. Mon Dieu, je suis une femme éprouvée. Rends-moi digne du titre de chrétienne. Donne-moi la force dont j'ai tant besoin, et s'il le faut, conduis-moi jusqu'au martyre. » Sabine sentit des larmes brûlantes monter à ses yeux. Elle les essuya rapidement, se releva d'un geste énergique et d'un pas raffermi, elle se dirigea vers le salon. Bénédicte se tenait près de l'harmonium qui avait résonné sous les doigts de Sabine le jour de ses fiançailles. Il revoyait cette scène intime et touchante telle qu'elle s'était passée. Hélas, il y avait 2 mois à peine et cela paraissait si loin, si vieux, comme en quelques jours tout avait changé. Absorbé dans ses souvenirs, le sculpteur n'entendit point le pas léger de mademoiselle Pomerol. Quand il la vit en face de lui, la tête inclinée, les doigts joints, les bras pendants sur sa robe noire, il se releva d'un mouvement automatique. « Sabine, dit-il, chère Sabine. » La jeune fille sentit comme un coup violent au cœur. Elle eut peur de se trahir et, prenant un siège, affermissant sa voix, elle dit au jeune homme, « Vous avez souhaité me parler, monsieur. J'ai répondu à votre appel, me voici. » « Je vous écoute. »« Ne m'attendiez-vous pas, Sabine ?»« Si, » dit-elle avec effort. « Et j'avais même songé à vous épargner cette démarche. je ferai du moins maintenant ce que j'ai négligé jusqu'à ce jour. Ne pouvant conserver d'illusions, je ne puis plus garder d'espérance. Les événements terribles qui viennent de me frapper me créent des devoirs nouveaux. Monsieur Fougeret, je vous rends votre parole. « Vous me rendez ma parole ?» s'écria Bénédicte avec feu. « En quoi ai-je mérité que vous cessiez de me croire digne de votre confiance, de votre attachement ? Je comprends. Vous craignez que votre malheur m'épouvante. Vous tremblez à l'idée de m'associer à une infortune immédiate. Mais plus grande est votre épreuve, plus grand est mon droit d'en exiger ma part. Vous m'acceptiez pour compagnon quand toutes les prospérités étaient votre partage. Vous ne me repousserez pas à l'heure où, orpheline, vous avez besoin de l'appui d'un honnête homme. « Mon frère me reste, » dit Sabine. « Mais le sacerdoce et ses devoirs de chaque heure séparent presque de vous l'abbé Sulpice. Et puis, l'amitié d'un frère aussi puissante, si affectueuse qu'elle soit, ne remplace pas celle de l'époux. Ah, vous me connaissez bien mal, Sabine, si vous ne croyez point que vos chagrins m'attachent à vous mille fois davantage. Je n'ai pas besoin de vous répéter que depuis l'âge où j'ai pu rêver un avenir, je ne l'ai compris que par vous et pour vous. « Je sais cela, » dit Sabine d'une voix étouffée. « Et cependant, je vous répète que je vous dégage de votre parole. » « Craignez-vous donc que je vous rende responsable des fautes de Xavier, trop expiées, hélas, par l'arrêt qui le condamne ? Ni le monde, ni moi, ne vous rendons solidaires d'un malheur. » Il nous appartient de l'alléger, de travailler sans relâche à rendre la liberté à votre frère, de nous unir pour cette œuvre sacrée. Xavier est mon frère d'adoption. Ne me séparez pas plus de lui que vous ne vous séparez de moi. Et si par impossible, Sabine, le monde injuste vous enveloppait dans le malheur de Xavier, si l'anathème qui le frappe vous atteignait aussi, eh bien nous le braverions ensemble. Appuyez sur moi. Vous soutiendriez le choc de cet orage, et mon affection se ferait si prévoyante, si douce, que vous le laisseriez passer sans trop en souffrir. Sabine, ne voulez-vous point me donner cette grande preuve de confiance, de m'accepter pour mari, quand j'accours vous supplier de ratifier par votre promesse la parole de votre père ? Sabine resta un moment sans répondre. « Ah, votre silence me glace !» fit Bénédicte. « C'est que... » reprit Sabine, qui semblait chercher les mots dont elle devait se servir pour anéantir d'un seul coup les espérances de Bénédicte. « Il m'est difficile de vous exprimer à cette heure ce qui se passe en moi, maintenant que la volonté de mon père ne pèse plus sur la mienne. »« La volonté de votre père a-t-elle jamais mis la moindre entrave à votre liberté d'action ?»« Une seule fois, » répondit Sabine en rougissant. « Quoi ?» reprit Bénédicte. « Vous voulez dire que le jour où, tout tremblant, j'osais lui laisser entrevoir mes secrètes espérances et où il les encouragea d'une façon si paternelle, vous n'avez point été libre de répondre selon votre cœur ?»« Je ne fus pas consultée. »« Vous ne refusâtes pas, cependant, d'accepter le mari qu'il vous proposait ?»« J'eusse craint d'affliger mon père. »« Seule, vous ne l'auriez donc pas choisi, Sabine ?»« Non, » dit-elle en baissant la tête. « Ah, tenez, mademoiselle, » fit Bénédicte, « vous m'imposez une horrible torture, et je me demande si ce n'est point à quelque sentiment d'héroïsme insensé qu'il faut attribuer votre conduite d'aujourd'hui. Le jour de nos fiançailles, vous en souvient-il ? Vous acceptâtes de moi la bague d'alliance de ma mère. Vous refusiez une riche dot, vous trouvant assez sûr de vivre du travail de l'artiste. » Votre vaillance et votre joie n'étaient donc qu'une comédie dont je fus la dupe à force de souhaiter la réalité de mon rêve. Il me semble pourtant que mon cœur à moi m'en eût averti, que je ne me fusse senti ni si heureux ni si fier, et que votre respect pour la volonté paternelle n'aurait pas eu cet élan de virginale confiance. Ne vous y trompez pas, j'ai grandi pour vous, travaillé pour vous. Mon ambition n'eut jamais que vous pour objet. Vous étiez mon espoir avant de devenir ma récompense. Je me défendais des entraînements de mon âge pour rester digne de vous. Je me respectais dans votre propre pureté. Et si parfois, voyant le succès facile de mes compagnons récompenser un labeur sans génie, je réfrénais la tentation de faire autrement pour arriver plus vite au succès bruyant, à la fortune rapide, votre image se plaçait devant moi pour m'arrêter et je restais dans la route ardue qui, si elle m'ensanglantait les pieds, ne laissait du moins germer aucune fleur au parfum délétère. Sabine, si vous me quittez, si vous me repoussez, si après m'avoir laissé entrevoir le bonheur de toute ma vie, vous me replongez ensuite dans les ténèbres, que me restera-t-il ? Votre conscience, répondit la jeune fille. Eh, sais-je si le désespoir me permettra désormais d'entendre encore sa voix ? Pensez-vous, Bénédicte, que vous souffriez plus que moi ? Demanda mademoiselle Pomerol. Vous regrettez une jeune fille, la fiancée d'un jour, la compagne d'un rêve. Je pleure mon père assassiné, mon frère condamné au bagne. Je vous souhaiterais moins forte, Sabine. Vous éprouveriez alors le besoin d'être consolée. La consolation dont j'ai soif ne saurait me venir des hommes. Je l'attends de Dieu seul. Impitoyable enfant, dit Bénédicte, si elle vous suffit, peut-être faut-il autre chose à mon cœur. Voulez-vous être mon frère ? Demanda Sabine. Mon frère comme Sulpice, comme Xavier ? Et vous deviendrez la femme d'un autre. Je ne me marierai jamais. La jeune fille tendit la main au sculpteur. Non, dit celui-ci. Je repousse une fausse amitié, un sentiment mixte qui ne répond plus à mes aspirations, aux espérances de ma vie. J'accepte mon arrêt. Vous me bannissez, je me retire. Peut-être quelque jour me sera-t-il donné de savoir le mot de la cruelle énigme que je ne puis aujourd'hui deviner. Adieu, dit mademoiselle Pomerol. La jeune fille se leva et, sans tourner la tête, d'un ton sec qui ne laissait deviner aucune émotion, elle répéta « Pour toujours, adieu !» Au moment où elle allait quitter le salon, laissant Bénédicte à ses tristes pensées, l'abbé Sulpice entra. D'un regard, il comprit ce qui venait de se passer, et Sabine, se jetant dans ses bras, murmura à son oreille « J'ai menti, j'ai voulu le sauver !» Le jeune prêtre la retint avec autorité. « C'est mal, dit-il, c'est mal, Sabine. Sais-tu ce que tu vas faire à cet homme si noble, si généreux, si fort ? Sais-tu à quelles extrémités le découragement peut le pousser ?» Mais mademoiselle Pomerol ne se rendit point à l'observation de Sulpice, et pour la première fois de sa vie, peut-être, elle ne tint pas compte des conseils de son frère. « Console-le, dit-elle, console-le. » Et sans rien ajouter, elle s'enfuit. Sulpice marcha droit à Bénédicte. « Frère, lui dit-il, car vous restez un frère pour moi, essayez de reprendre courage, rappelez votre énergie. Qui sait si Sabine ne reviendra pas sur sa décision ?»« Je n'attends plus rien d'elle, fit Bénédicte. Sa dureté me prouve la véracité de ses paroles. En acceptant de devenir ma femme, elle obéissait seulement à son père. Merci, Sulpice, merci, frère. » Je reviendrai et vous me parlerez du temps où je croyais qu'elle serait un lien entre nous, où j'espérais trouver une famille dans la vôtre. Adieu, je suis un homme et j'ai besoin de pleurer. » Bénédicte serra la main de Sulpice et sortit en cachant son visage dans ses mains. Quand il rentra dans son atelier, il lui sembla qu'il pénétrait dans une tombe. Cette pièce, meublée avec un goût exquis, ce sanctuaire de l'art disposé avec tant de soin et de patience pour y accueillir Sabine le jour où elle serait devenue sa femme, lui parut morne comme un temple privé d'images saintes. Les œuvres d'art sorties de ses mains et qu'elle aurait admirées lui parurent indignes de tout éloge. Lui, si confiant jadis, en vint subitement, en doutant de la vie, à douter de sa propre valeur. Il se demanda s'il n'avait pas été bien fou de passer toute sa jeunesse dans un travail austère pour aboutir à cette désillusion cruelle. Son bonheur, en sombrant tout à coup, parut entraîner sa foi dans ce grand naufrage. « Ah ! » fit-il avec explosion. « Mes amis avaient bien raison de rire de ma sagesse, de railler mes froides statues et de me répéter que l'inspiration n'est pas où je m'obstinais à la chercher. » Je voulais Sabine abandonnée du monde, déshonorée par la condamnation de son frère. Elle me repousse et me renie. J'ai d'abord pensé qu'elle me perdait. Elle me sauve peut-être. Me voilà libre. Je suis jeune, j'ai du talent. Mes 25 ans n'ont jamais bu à la coupe des plaisirs faciles. Eh bien, je leur demanderai l'oubli. » Puis, subitement, Bénédicte se laissa tomber dans un fauteuil et fondit en larmes.